Je m'auto-censure, prends 200, t'enferme. Le temps rentre en guerre. Si peu de sang sur les mains des gens qu'on enferme. Dans des cases pleines d'individus lambda. Je suis de ceux qui s'égocient. Dans cette époque-ci, gros d'effets toxiques. Tourne ta langue ça pourrait te plaire aussi. On se négocie, même le nombre de victimes. Chut. Durant le génocide du Rwanda. Comme d'hab, l'Occident gère les grossistes de vente d'armes. Je sais que tu fantasmes sur ma douce, mais faut que je me calme avant que ma jalousie ne t'éclabousse. Ou plutôt que je te pèle ta bouche. Comment dire au papa qu'il est cocu avant que la mère n'accouche. Et que son frère la touche. Couche quelques lignes sans trop en dire, sans trop le ressentir. Par les politiques, c'est comme entendre l'alarme retentir. Je préfère me taire pour pas que les choses n'empirent. M'enfuir, non, je laisse mes névroses grandir. Ouais, le silence est d'or, d'où la richesse de nos rhétoriques. Il nous empêche de dire des choses qui peut-être pas reste horrible. C'est presque audible quand on délaisse le resto vide. Toi tes rêves m'intéressent, encore faut-il qu'il reste au lit. C'est bien ça le problème. Moi je vois toutes ces images éveillées. Je crois que tu saisis mal gros. Ma rage me fait bégayer. Évidemment j'hésite à faire part du fait que je souhaite écourter sa vie pour épargner celles qui aujourd'hui ne sont plus réparables. Plus besoin de pleurer parallèlement. Mieux vaut qu'il ne soit plus dans les parages. Son absence m'évite d'écrire des lettres vides de sens qui se délectent d'être et d'envie à vide de sang. Quand Ben affûte le sang, ça va pas m'aider, obligé, jure l'un gros fils de sale. Permettez l'autocensure, t'en abuses et l'enfer mes tests. À quoi bon se retenir vu que la des j'en perds mes tests. Ce n'est que mon avis, entre braille ou stère on navigue. Bopé sur un baillot, stère frérot la vie. On s'y perd aussi vite qu'un tapin tout pline. Mais une chose est sûre, on t'a pas tout dit. Ce n'est que mon avis, entre braille ou stère on navigue. Bopé sur un baillot, stère frérot la vie. On s'y perd aussi vite qu'un tapin tout pline. Mais une chose est sûre, on t'a pas tout dit. Non, on ne peut pas tout dire. Enfin à vrai dire, on en fait le choix. Puis on en paye le poids, quitte à s'en punir de joie. Car parfois la peine se part. Partage pas, encore moins sur un fil d'actu. Hein, tu vois de quoi je parle. De cette actualité par des marchands de sable. Personnalités qui ont l'idée d'un argent sale. Ouais, triste réalité, on vit avec la dualité d'une humanité sans moralité. On finit par taire tout ce qui est oppressant ou trop blessant. Même les troubles vécus au présent. Évacue, trouve les ans sans montrer d'expression. Ouais, c'est plus de la censure gros, c'est de l'autodestruction. D'où le sens de l'écriture, ainsi vont les mots. Attention, le contenu est sensible pour les mômes. C'est pour ça qu'on a choisi le rap. Qu'on râle car l'art de dire des choses vraies est une preuve de courage. Mec, tu radotes, je connais ton histoire par cœur. T'as mon sourire quand même. Je sais qu'on va se marrer ensemble. Si ça te fait plaisir de tout me redire en chaîne. Qui sait de quoi est fait l'avenir. Qui sait ce que je donnerais pour la réentendre. J'ai mis en cage mes pensées sombres. Écrire sans réfléchir. Laissez parler l'impulsion. Laissez flash l'épaissir. J'essaie d'avoir un goût d'avance sur tout et tout le temps. J'm'adapte pour pas te blesser quand je sens que tout fout. Quand tout mon crousse tend, c'est latent, une heure tapante. Ouais, faut remonter la pente. J'immerge mes nerfs, j'ai laissé la cante. J'veux pas dégonder la porte. Mais si tes démons décident, c'est jusqu'au décès. Faut arrêter de te démonter de la sorte. Message de paix à mes frères en guerre interne. Quand le monde externe s'insère, est-ce que vous êtes sincères? Le silence est dans cette lettre, j'suis censé être intègre. Alors, quand le débat dérive, j'arrive pour y mettre un terme. Ce n'est que mon avis, entre braille ou stère, on navigue. Bopé sur un baillot, stère frérot la vie. On s'y perd aussi vite qu'à ta pas tout pli, mais une chose est sûre.